Madame Roland, tournée vers le paquebot, le regardait s'enfoncer à l'horizon, vers une terre inconnue, à l'autre bout du monde. Sur ce bateau, que rien ne pouvait arrêter. Sur ce bateau, qu'elle n'apercevrait plus tout à l'heure, était son fils, son pauvre fils. Et il lui semblait que la moitié de son cœur s'en allait avec lui. Il lui semblait aussi que sa vie était finie. Il lui semblait encore qu'elle ne reverrait jamais plus son enfant. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda son mari, « puisqu'il sera de retour avant un mois. » Elle balbutia, « Je ne sais pas. Je pleure parce que j'ai mal. » Lorsqu'ils furent revenus à terre, Jean partit en avant avec Mme Rosemilly, et Roland dit à sa femme, « Il y a une belle tournure tout de même, notre Jean. » « Oui, » répondit la mère. Et comme elle avait l'âme trop troublée, pour songer à ce qu'elle disait, elle ajouta, « Je suis bien heureuse qu'il épouse Mme Rosemilly. » Le bonhomme fut stupéfait. « Ah bah, comment ? Il va épouser Mme Rosemilly ? » ?»« Mais oui, nous comptions te demander ton avis aujourd'hui même. » « Tiens, tiens, y a-t-il longtemps qu'il est question de cette affaire-là ? » « Oh non, depuis quelques jours seulement. Jean voulait être sûr d'être agréé par elle avant de te consulter. » Roland se frottait les mains. « très bien, c'est parfait. Moi, je l'approuve absolument. » Comme ils allaient quitter le quai et prendre le boulevard François Ier où se trouvait l'appartement de Jean, sa femme se retourna encore une fois pour jeter un dernier regard sur la haute mer. Mais elle ne vit plus rien qu'une petite fumée grise, si lointaine, si légère, qu'elle avait l'air d'un peu de brume.